US. Numéro 1, c'est le son qui cartonne le plus en ce moment aux States. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. C'est le son qui est classé tout nouveau numéro 1 du Hit US, DJ Snake, sur l'album de DJ Snake, avec Justin Bieber sur le son et Let Me Love You, donc sur Skyrock. Bah, félicitations à eux, première place du Hit US, nouvelle révélation du Hit US. La semaine prochaine, c'est tous les dimanches de 20h à 21h sur Skyrock. Normalement, à cette heure-là, vous retrouvez toute l'équipe de la Radio Libre pour la spéciale du dimanche soir. Bon, ça fait une petite pause pendant l'été. Rencard demain pour retrouver Diffoul, Romano et toute l'équipe, la Radio Libre de l'été sur Skyrock. Rencard demain de 21h à minuit. Puis là on est parti pour passer la soirée ensemble. Il y a plein de sons qu'on va s'écouter, franchement avec tout les, faire plaisir avec plein de sons. Du son à s'écouter en ce dimanche soir, j'espère bon pour vous. Moi je suis en direct sur Skyrock avec plein de sons à s'écouter avec Notorious Big qui arrive dans quelques instants sur Skyrock. C'est pas tout, on aura aussi Maître Gims, on aura aussi Beyoncé qui arrive sur Skyrock. Et puis le son de Pitbull et de Florida, tous les deux sur le même titre. C'est Greenlight sur Skyrock pour attaquer l'émission en dur. La première radio urbaine mondiale. Skyrock. Non-stop. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light. Mr. 305. Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys. You know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me.

c'est commencé. Quand. Le diable me remet dans le mal. Le fait que je l'emmène en bas. La fin de fumer la white weed. Elle dit qu'elle veut me parler à huit. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je balle. Mais c'était pas la white weed. J'ai fait du mal à ma petite. Du rap et du R&B. Skyrock, Urban Music non-stop. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where I'm all on it. We get the party going, liquor flowing, this is fire. 50 and Jeremiah, number one, there's nothing higher. Won't you come? Get it. I see you, baby. Break it. Won't you just put it down? Okay, she headed to the dance floor and she slowly started popping it. Something like my wrist piece, everybody got to watching it. Girl, you got that secret treasure, I'm gon' put a lock on it. Don't care what they say, I would be stupid to be my own in this picky. Heard you got that sticky. Let's go and take 9 shots, we'll just call it 50. And I gonna lick it till a hickey. Had that river running, keep you gunning till you empty. Bang. Oh, you look so sweet. What you working, palace? Look at your physique. Girl, you are a beauty, but well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Shorty, you a dime, why you looking lonely? Go buy another round and it's all on me. As long as I'm around, put it down on me. Just put it down on me, put it down on me. Down on me, put it down on me. Don't throw it off the mound, show me how it's gonna be. Girl, all I really want is you down on me. Put it down on me. System thumping, party jumping, shorty, she's a perfect team. She rock her hips, then roll her hips, then drop it down like it's nothing. She shapes like an hourglass. You see how fast an hour pass. Time flies when I'm on that ass, but I won't put our shit on blast. Work it like a pro, sit and watch it go. Do a thing out on the floor. She bouncing fast and shake it slow. So sexual, incredible. She beautiful, she edible. I got her, I won't let her go. I ain't seen nothing better, yo. Look how she twerk it, the way she worked it. Make me wanna hit it. Heaven when I'm in it. If I do not fit, I'm gonna make it. Girl, you can take it. Don't stop, get it. Felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage. Stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul.

ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, c'est la thune Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, oui, voilà donc. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf le mec ça fait en bas les mains. Balmain, balmain, ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf le mec ça fait en bas les mains. Balmain, balmain, ça roule façon Aladdin. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille. Une nuit, Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Y'a Loulou et Boudin, Loulou et Boudin. Y'a Pocona Chanel, Pocona Chanel. Y'a Manangwa, Koulingwa, Touche, contrôle la maison, apprécie mon parcours. Hende Katakou, sale petit coquin des cocus. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. La chaussée, je suis congolais, tu vois, je veux dire. Hein? Normatisé, oui. Maître Gims m'a convoitisé. Charlie Delta localisé. L'embilasson focalisé. Voilà. Tapé comme Chacha, Chama. Dorénavant, je fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire, imbécile. La concurrence à ma vessie. Le Bouzano et Hermès. Lui vite ton sac, je fais la recette. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, tes yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Y'a Loulou et Boudin, Loulou et Boudin. Y'a Pocona Chanel, Pocona Chanel. Kinshasa na Brazza. Libreville, Abidjan, Yaoundé, Nadouala, Bamako, Nadaka, Nani, Saint-Théo, Medjik, Nadarcié, Bilou, Nademdemo, Djuna, Djana, Nae. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. De Maître Gims sur Skyrock avec Sapé comme jamais, le premier invité de Fred pour cette nouvelle saison de Planète Rap. Ça sera le 22 août, Maître Gims en Planète Rap, entre 20h et 21h. Merci de passer le dimanche soir avec nous sur Skyrock. Tout à l'heure à minuit, Rail Suprême, comme tous les dimanches soirs, 2 heures de rail mixé par DJ Case, à retrouver tout à l'heure derrière les platines de Skyrock. Là, on passe le week-end ensemble, enfin la fin de week-end ensemble, puisqu'on est dimanche soir, avec plein de sons à s'écouter. Franchement, on se met bien avec le nouveau son de Lil Wayne, avec Wiz Khalifa qui arrive, le Marseillais ACH aussi avec Allo Maman, et puis le tout nouveau DJ Snake maintenant avec la voix de Justin Bieber sur le titre. Franchement, c'est un son qui défonce. On l'écoute maintenant, ça s'appelle Let Me Love You. T'écoutes la première radio urbaine mondiale. Skyrock. Non-stop. Used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Give up.

J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. C'est lui quoi. Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je trahis pas mes peurs. Jamais de la vie. Mais je trahissais. C'est lui quoi. Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Le diable me remet dans le mal. Le fait que je l'emmène en bas. La femme veut fumer la white weed. Elle dit qu'elle veut me parler à huis. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je balle. Mais c'était pas la white weed. J'ai fait du mal à ma petite. Le son de Nekfeu avec le collectif de rappeurs parisiens Escrew, c'est J'aurais pas dû sur Skyrock. Rail Suprême qui se prépare, c'est tout à l'heure un petit peu avant minuit. Le classique de Justin Timberlake. Maintenant Mike Posner pour la suite du son et le nouveau DJ Snake. To admire, 'cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand. Full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space, and now you're home. Show me how to fight for now. And I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. 'Cause with your hand in my hand, in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is a space, and now you're home. Show me how to fight for now. And I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real

toute la soirée, laissez-moi dans mon délire. Excusez-nous si on fait de gros délits. Trop de monnaie, décale-toi d'ici. T'as déconné, je te disais comme Tony. Ride Suprême, pour mes 4-3 heures. DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Ça fume pas les verres, c'est danger. Ce soir, je mange avec toute l'équipe. On annonce la couleur avec les verres. C'est chaud, pourquoi tu me regardes? Manger les pesos, si tu veux faire la dure. Mais j't'ai déjà pécho. Décale-toi, j't'ai déjà pécho. Voilà bas, j't'ai déjà pécho. Ciao, ciao, ce soir, j'les mange. Aïe, bye, bye. J't'ai déjà pécho. Ciao, ciao, ce soir, j'vais manger. Aïe, bye, bye. Si vous les méga, les mettez un. T'es pas mon ami, mettez qu'une un. T'as la tête qui tourne, mettez un. Tu voulais une équipe, mettez un. Tu voulais méga, les mettez un. T'es pas mon ami, mettez qu'une un. T'as la tête qui tourne, mettez un. Juste pour tous les gens, levez les mains. Levez les mains. Levez le 3 juin, la famille. On va te voler comme un Aladdin. Préparez-vous. Même arrêtez baratin. Tu dis que ta meuf c'est pas une catin. Attends, je l'approche, on verra. DJ Kay, c'est de la partie cet été, la famille. Attention. Et de deux, belle et cassée, bata. Et de trois, je me tape de tout décal. Je vais faire que nez des dégâts. Allez, vas-y, montre-toi. Allez, vas-y, montre-toi. Vers la gauche et vers la droite. Mais dis-moi, c'est quoi, c'est pas. Tu danses, tu te galères, on ne sait pas. Allez, visez-moi. Nouveauté. Nouveauté Skyrock. Cherché mais j'étais toujours là. Espèce de michto, tu penses qu'au dollar. Personne veut de moi comme si j'ai Ebola. Regarde-moi, dis-moi, est-ce que t'as ça, ça, ça, ça, ça, ça. Que des batatas. C'est la baraka, on pète que des câbles. Ramène tous tes gars, on va faire des gars. La guerre comme des gaines, tu n'es que des gains. Cousine, j'ai la meilleure des dégaines. Mon cœur fait que tu ris comme des guns. Tu dis que oui tu veux, me t'en as pas. T'as même pas de poteau dans la porte. Personne ne sait danser, j'en ai marre. MRC, toi, est-ce que t'as ça, ça, ça, DJ ça, K. Ça, ça, que des batatas. Oui. Ça c'est pour cet été, la famille. Rendez-vous le 3 juin. On commence tout doucement. Ce soir je les mange, aïe bye bye. Tu voulais méga, les mettez un. T'es pas mon ami, mettez qu'une un. T'as la tête qui tourne, mettez un. Tu voulais une équipe, mettez un. Tu voulais méga, les mettez un. T'es pas mon ami, mettez qu'une un. T'as la tête qui tourne, mettez un. Juste pour tous les jaloux, levez les mains. T'as compris? Levez les mains. Levez les mains. La famille, je vous l'ai dit, rendez-vous le 3 juin minuit pour l'album de DJ Kay. C'est Rail Suprême sur Skyrock. C'est Rail Suprême. Skyrock avec mes potes qui est la magie. Je me cherche encore, j'ai changé mon décor. Je suis amené, c'est moi, je profite de ma vie. Toujours avec mes potes qui est la magie. Je me cherche encore, j'ai changé mon décor. Hashtag Rail Suprême, la famille. Salut tout le monde, c'est DJ Kays. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Elle avance dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans B.D.T. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde, tout comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rafler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas sur côté passager dans le Mercedes-Benz. Elle est à la place du barbane. Ici c'est Izet de nos 45. On a vu aussi les rails suprêmes de Dieu de Corps. Skyrock. Ces enfoirés qui passent en marouin, c'est pas ta menti. J'ai pas de fiche de pêche, je connais pas mon salaire, mais je parle des boutiques. On m'a dit qu'à foutre la concurrence, je vois que des abrutis. Tous là pour le même but. Reste dans le merde, piston et puis fais le mou. Fais le mou, fais le mou. Fais le mou, fais le mou. Les femmes abusées, c'est mon malheur. Abusées, même vous mesdames, vous faites abuser. Oligame, marché. On y go. J'suis pas ton idole, j'suis pas ton pendant. On y go. C'est juste des sons, juste des pendant. Instagram, je suis prêt. On y go. En live, des sucres, tu danses ce que tu penses. Faut ranger, vous allez danser ce soir. Caisse d'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. plus important de cet été. DJ Kaïs vous donne rendez-vous le 3 juin, la sortie de l'album. DJ Kaïs. Sky, ride. Sur Rail Suprême, vous êtes dans l'ambiance. Sans pilon, enfoiré. numéro 1 est ici en live. Please, ma belle, fais un signe au serveur. Tous nos verres sont vite, vite, vite. Au réveil à 15h, sorry, je t'ai pas rappelé. Mais personne te valide, lite, lite. T'as kiffé la serveuse, t'as pas laissé de pourboire. Car tes poches sont vite, vite, vite. Je me barre d'ici, j'ai pas le temps de parler. Désolé, je suis speed, speed, speed. Tu fais pitié, fais pas la resta. La soirée est naze, désolé, on reste pas. Y'a pas d'avion de chasse, y'a que des vestes.